Je mens toujours. Je dis que je ne me souviens de rien, que je suis né du matin, mais il me suffit de fermer les yeux. Dans le noir, tout me revient. Chaque taloche, chaque balafre, chaque regard. Je me souviens de chacun de vos mots. Je me souviens de comment vous les avez plantés dans mon corps. Le temps n'y fait rien, je me souviens de tout. Enfant couvert de plaies infiniment rouvertes, enfant étouffé sous le poids de ce que j'étais. Vous m'avez piétiné mille fois. Enfant immobile, silencieux, courbé. Quand vous me parliez, je scrutais votre bouche. Effaré que vous recouriez à cet instrument de torture avec tant de désinvolture. Pour passer inaperçu, j'ai pris la couleur des murs. Pour que vous m'épargniez, je me suis effacé. Je me suis tué plutôt que de vous déchirer à mon tour. En vain, vous ne m'avez jamais pardonné. À chaque seconde, j'ai été coupable d'une mystérieuse offense à vos yeux écœurés. Si je regarde derrière, c'est en une vie de plaies et de sécheresse, de laquelle je n'ai appris que la résignation. Cependant, de cette vie dégueulasse surnage une intrigante évidence. Si aujourd'hui encore je suis capable de désir et d'extase, c'est que je dois être invincible. Parfois je mens, je dis que je ne me souviens de rien, mais il n'est rien qui ne s'efface bien sûr. Je bouillonne en dedans, je suis en feu, je suis lourd, gris, crasseux, je suis en feu, je suis la limaille, le cambouis, les miasmes, les ordures. Je suis la souillure, la suie qui s'incruste sous les ongles, les paupières qui se nichent au fond des poumons. Le désespoir, c'est comme la prison, la mine ou l'usine, ça vous lâche jamais. Mais je suis en feu, alors je mens. Je dis que je ne me souviens de rien, mais mon histoire est écrite de cicatrices. Il me suffit d'inspecter ma peau et tout me revient. Je mens toujours. Je dis que je ne me souviens de rien, que je suis né du matin. Je dis que je comprends qu'à votre place, sans doute, j'aurais ri aussi. Je mens pour un peu de repos, d'indulgence, pour le pardon de ma dissemblance. Je mens aussi pour ne pas vous massacrer à mon tour. Je mens toujours car... en réalité, je me souviens de tout.